L'expérience très exceptionnelle à laquelle vous allez assister dans quelques instants a été effectuée il y a quelque temps par notre confrère, le journaliste parisien Philippe Grumbach, qui en a réservé la primeur à Saint-Colomb. Cette expérience se propose de montrer sur deux sujets simples, un homme et une femme, comme vous savez quoi, les effets d'une drogue psychopharmaceutique qui a fait couler beaucoup d'encre ces temps derniers aux États-Unis et même avant, le fameux LSD. En un mot, qu'est-ce que le LSD ? Le LSD est un produit chimique de synthèse fabriqué normalement dans le laboratoire pharmaceutique et dont l'usage s'est révélé précieux. il délia doucement chacun de son côté.